Leçon 10A. Paris en métro. C'est le week-end du 1er mai. Nicole, la cousine de Luc et de Nathalie, est chez les Noblet. Luc et sa sœur sont contents. Ils vont montrer la capitale à leur cousine. Comment? Eh bien, ils vont l'inviter à faire une promenade en bateau-mouche. Et la promenade, ils vont la faire avec François. Comme ça, ils sont sûrs de bien rigoler. Dimanche matin, 9h. Luc, Nathalie et Nicole attendent François devant la station de métro d'Enfer-Rochereau. Ah, le voilà! Il le voit déjà de loin. Il fait des grands gestes. Salut tout le monde! Mais, dis donc, Luc, qu'est-ce que tu as dans ton sac à dos? Ce sont ses patins. Il ne les laisse jamais à la maison. Il est fou! Ah ça, nous le savons! Fou? Vous allez voir. Qui a des tickets? Moi. Tiens. Mais ce ne sont pas des tickets de métro, ce sont des billets de cinéma. Oh non, je n'ai pas de ticket. Bon, moi j'achète un carnet et vous, vous cherchez la ligne sur le plan, d'accord? Luc, François et Nicole regardent le plan du métro. Oh là là, c'est compliqué. Vous la voyez, la ligne? Tu sais, ce n'est pas difficile. Regarde, on est ici. D'abord, on prend la direction Charles de Gaulle Étoile. Après, on change à la station Trocadéro et on prend la direction Mairie de Montreuil jusqu'à Alma Marceau. Et là, on descend. Les promenades en bateau-mouche commencent au pont de l'Alma. Tu vois, c'est facile.